Un pas en avant, un pas en arrière. C'est super facile comme danse. Hein. C'est une danse qu'on peut danser un verre à la main. C'est facile, hein? Laisse-moi te présenter la danse de l'écariste. Une danse langoureuse, aphrodisiaque, hétéroclite. N'y cherche aucune ressemblance car notre danse est unique. C'est du rock afro-alpin et ça se pratique sans risque. Oh, sans risque. Ça se danse délié, paisible, un peu de travers. De manière à ce qu'il n'y ait jamais matière à renverser son verre. Ça se danse à tout moment du jour et de la nuit. À l'apéro, au Dijon, bref au moment fort de la vie. Cette danse n'est valable que si tu chantes ces mots-là qui sont Omokololo, mokololo, mokolo, mokolele. Omokololo, mokololo, mokolo, mokolele. Omokololo, mokololo, mokolo, mokolele. Omokololo, mokololo, mokolo, mokolele. Thérapie homéocavistique par excellence. À toi de l'utiliser, d'en abuser à ta convenance. Afin d'expulser le côté obscur qui brille de tes sens. Chante, danse, bois, c'est notre message interactif. Et n'oublie pas de prononcer la phrase magique qui est Trump. Ce qui est sûr, c'est que cette danse ne vient pas d'Union soviétique. Entre nous, Poutine. Elle ne vient pas non plus des lointaines contrées asiatiques. Tout à fait. Car tout simplement qu'on se le dise, cette danse, elle vient des cavistes. Non, faut arrêter les passages à niveau là, parce qu'on va être bourrés. Hein. Moi je veux bien, mais.